Chapitre 8e. Paul avait offert son bras à Camille et ils marchaient le long du quai. La gaieté du dimanche s'était à peu près endormie en attendant que la sortie des théâtres vînt la réveiller. Surpris de ce qu'il venait d'apprendre, touché d'un soudain intérêt, plus vif et plus tendre pour cette belle créature, peut-être vouée à la mort, il ne savait que lui dire, et pourtant les questions se pressaient sur ses lèvres. Un accès de toux de Camille lui fournit l'occasion qu'il cherchait. « Vous êtes sérieusement malade ? » dit-il d'une voix douce. « Qu'importe ? » répondit Camille en doublant le pas. Il la retint en serrant son bras et la contraignit à marcher plus lentement. « Il importe beaucoup, » reprit-il. « Vous êtes jeune, la vie s'étend devant vous, il faut la conserver. »« Pour ce qu'elle vaut ?» fit Camille en riant amèrement. « La vie est une bonne chose ?» répondit Paul avec l'accent convaincu de l'homme pour qui l'épreuve a été favorable. « Il faut l'aimer, pour qu'elle vous aime. C'est un moyen qui ne réussit pas toujours. » Il y avait dans cette réponse une telle amertume, tant de colère contenue, tant de regrets inavoués, que Paul resta interdit. Cependant Claire lui avait enjoint de confesser Camille, et c'était aussi le vœu de son propre esprit devenu curieux. « Avez-vous à vous plaindre du sort ? » demanda-t-il. « Moi ? Ah Dieu, jamais ! Y a-t-il au monde une créature plus heureuse que moi ? Et puis, monsieur Paul, qu'est-ce que cela peut vous faire ? Mais, mademoiselle, l'intérêt que nous vous portons ? Croyez-moi, monsieur Paul, interrompit la jeune fille, ne vous inquiétez pas de cela. Vous avez d'autres soucis. Votre position, vos devoirs, votre femme, votre fils, voilà ce qui doit vous inquiéter. Je ne suis rien pour vous. Qu'une simple relation sociale, ni gaie, ni brillante, ni même utile. Réservez votre intérêt pour ceux qui en sont dignes. À vos yeux, ma vie ne peut pas avoir de prix. » Paul pensa que Camille foulait aux pieds, en lui parlant, des usages qui ont du bon, tels que celui de faire semblant de prendre pour argent comptant les banalités dont on se paye en pareil cas. Cette demoiselle excentrique le mettait dans un cruel embarras. Fallait-il lui avouer qu'en effet il se souciait peu d'elle, ou bien répondre par une protestation plus chaleureuse ? Si l'exemple de Camille l'autorisait à agir suivant la première motion, ses habitudes d'homme du monde le forçaient à suivre la seconde, et c'est ce qu'il fit. « Nous vous aimons beaucoup, mademoiselle, » dit-il chaleureusement. « Vous êtes une ancienne amie pour nous et nous n'oublions rien. » Camille secoua la tête. Ce « nous » la gênait, et cependant elle s'était jurée de ne rien dire, de mourir plutôt que de parler de son amour. Elle chercha un biais. « Laissons cela, » dit-elle, « parlons de vous. » Mais ce n'était pas l'affaire de Paul, qui voulait savoir ce que signifiaient ses réticences, ses paroles véhémentes, soudain interrompues et comme reprises avec regret. « Avez-vous un médecin ? » dit-il. « Oui. » « Que dit-il ? » « Rien qui puisse vous intéresser. Les heureux de ce monde ont une autre manière de voir que nous autres déshérités. » Une idée lumineuse traversa le cerveau de Bricard. « Vous serez heureuse quand vous le voudrez, » dit-il. « Je suis sûr que Mirmont... »« Je n'épouserai jamais, monsieur Mirmont !» s'écria Camille, les lèvres frémissantes en s'arrêtant soudain. « Jamais. Entendez-vous, monsieur Bricard, jamais. »« Pourquoi ?» demanda à mi-voix Paul, troublé. Il se sentait entraîné quelque part dans les ténèbres et craignait tout en même temps qu'il désirait de voir le but. Pourquoi ? Demanda Camille en haussant les épaules. Elle se remit en marche d'un pas rapide. Les hommes veulent toujours savoir pourquoi. Mais il me semble qu'il est fort bien, riche, aimable. Il vous aime, cela n'est pas douteux. Pourquoi ? Pourquoi ? Répétait Camille en marchant si vite que Paul ne pouvait plus modérer son allure. « Vous voulez savoir pourquoi ? Dites, vous le voulez ?»« Oui, » balbutia Paul, de plus en plus troublé. Camille s'arrêta et le regarda bien en face. Ses yeux brûlaient comme des charbons ardents. Son visage, pâle, contracté par l'angoisse, était d'une beauté presque surhumaine. Ses dents brillaient comme des opales sous ses lèvres entrouvertes. « Parce que j'en aime un autre, » dit-elle d'une voix étranglée. « Parce que j'en aime un autre. » En mourir, et j'en mourrai. Un autre qui ne m'aime pas, et qui ne peut pas m'aimer. » Paul sentit une main implacable lui étreindre le cœur. Il avait peur de ce qu'elle allait dire. Vous ne me demandez pas pourquoi il ne peut pas m'aimer? Vous faites bien. Allez, monsieur Paul, que cette confidence vous ôte l'envie de m'en arracher d'autres. Je ne suis pas faite comme tout le monde, sans doute. Vous voilà bien interdit. Une jeune fille qui avoue à un homme qu'elle aime quelqu'un, quelqu'un qui ne l'aime pas, cela renverse toutes vos idées. Il ne fallait pas m'interroger. Qui sait? Si vous me demandiez le nom de celui que j'aime, je vous le dirais peut-être. Vous ne me le demandez pas? Elle parlait avec tant de colère, de haine et de mépris pour le monde entier que Paul sentit son cœur se desserrer. « Je ne vous demande rien que vous ne puissiez ni ne deviez me dire, mademoiselle, » répondit-il gravement. « Je regrette mes questions indiscrètes et vous promets de n'en plus faire. » Camille se remit en marche, mais sa vaillance était tombée. Elle semblait ployée par une indicible lassitude, et Paul dut la soutenir, car elle faiblit plus d'une fois. Arrivée devant la porte, elle leva le marteau et frappa. « Je vous défends, » dit-elle, « de parler de ceci à Claire. Je vous le défends. Vous n'en avez pas le droit. » Avant qu'il eût répondu, elle était entrée et la porte retombait. Paul revint perplexe. Devait-il obéir à l'injonction de Camille et taire à sa femme cet étrange aveu? Il médita sa conduite pendant tout le chemin du retour et rentra chez lui avant d'avoir trouvé une solution. « Eh bien ?» demanda Claire quand ils furent réunis. « C'est une fille étrange, » lui répondit-il en hésitant. « Elle a des idées bizarres. Je lui crois l'esprit plus malade que le corps. » « Si elle se décidait à épouser M. Mirmont, » dit Claire avec la ferveur d'une âme convaincue, « je crois bien qu'elle serait sauvée. Et toi ?»« Elle ne l'aime pas, » répondit évasivement Brécard. Sa femme n'en demanda pas davantage. Un peu plus de confiance de la part de Paul, un peu plus de curiosité de la sienne eussent peut-être amené un éclaircissement dans cette situation qui se tendait de plus en plus. Mais le sort en avait décidé autrement. Camille revint le surlendemain. Son habitude de se juger et d'être contente d'elle-même lui avait fait approuver de tout point l'étrange conversation du dimanche. « Il ne pensera jamais que c'est lui, » se dit-elle. J'ai détourné à jamais ses soupçons et endormi sa clairvoyance. Elle revint donc, l'humeur changée, gaie et presque bruyante. C'était le soir. Le soir, Paul était chez lui et la reconduisait. Elle ne lui fit plus de confidences, mais peu à peu se rapprocha de lui, l'intéressa aux événements de sa vie, lui fit une part de plus en plus large à son amitié, et sut devenir non plus l'ami de Claire, qu'elle laissait dans une dédaigneuse indifférence, parfois émaillée d'épigrammes, mais l'amie du mari.